yako nimsalimia imangaribi mujina ya damani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Louons le Seigneur, il nous a donné une bonne soirée. Tunashukuru Mungu sababu tupatia mangaribi mzuri. Parce que hier on a été dérangé par la pluie. Sababu jana tuliuji na mvula. Mais dans sa grâce, il nous donne une bonne soirée. Lakini katika rema yake anatupatia mangaribi mzuri. Que son nom soit loué. Jina lake lisifiwe. Mettons-nous debout. Tushimame. Lisons l'Écriture. Tusome andiko. C'est toujours dans 1 Jean chapitre. Paka Yohana wa kwanza. 1 Jean chapitre 5. Yohana wa kwanza sura ya 5. Verset 9. Mstari ya 9. Si nous recevons les témoignages des hommes, les témoignages de Dieu est plus grand. Kama tupokea mashuhuda ya watu lakini ushuhuda wa Mungu iko mkubwa kabisa. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son fils. Kwani ushuhuda wa Mungu kuna angalia ni vile alishuhudia mwana wake. Seigneur, nous te disons merci. Bwana tunakutakia asante. Au nom de l'Écriture. Tunatoka mkusoma andiko. Après avoir chanté. Kisha kuimbia. Nous t'avons adoré. Tu as kuabudu. Nous sommes venus avec des requêtes. Tunakuwa na mahitaji. Nous avons des manquements. Tuna makosefu. Nous avons des préoccupations. Tuna mangaiko. Mais tu fais toutes choses au moyen de ta parole. Lakini unafanya kitu kyote kupitia neno lako. Seigneur, ce soir. Saidie Bwana imangaiko. Toi qui n'as jamais manqué à tes rendez-vous. Ils sont venus non pas pour observer un homme. Ils sont venus pour chercher ta face. Et toi tu as dit deux ou trois qui se rassemblent à ton nom. Qui est au milieu d'eux. Et quand tu es au milieu de nous Seigneur. Tu nous communiques la vie. Merci Seigneur. Commence avec nous. Et achève avec nous ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, j'ai appris hier, j'ai vu le frère Pita. J'ai vu le frère Muteba, fils de notre papa Christophe. J'ai vu le frère Kanoa, le frère Nono, je ne l'ai pas encore vu. J'ai appris qu'il y a aussi le frère Katombe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec ceux qui sont en ligne. Hier, nous avons commencé cette prédication. Nous pouvons recevoir les témoignages qui nous viennent des hommes. Israël pouvait se glorifier. Si nous lisons dans Romains au chapitre 9, écrivez à partir du verset 2 jusqu'à 5, à eux seuls appartenait l'adoption et la gloire. Les alliances et la loi. Agano na sheria. Le culte et les promesses. Ma ibada na malako. Les patriarches. Ubaba. De quel est issu selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Ule kulitokea kufatana kimwili Bwana wetu Yesu Kristo. Ils pouvaient bien se glorifier. Bariwezi kujitukuza. Que ils avaient vu de grandes choses qu'aucun homme des nations n'a pu voir. Le Dieu de la colonne de feu est nous accompagner partout. Nous avons vu que nous sommes arrivés à la mer Rouge. Dieu a frayé le chemin au milieu des abîmes. Nous avons traversé à pied sec. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Et dans le désert, nous avons mangé la manne, le pain des anges. Nous avons bu de l'eau qui sortait du rocher Dieu. Ils ont vu des miracles de toutes couleurs. Ils pouvaient bien se glorifier. Mais pas devant Dieu. Parce que Dieu les connaissait. Et nous avons lu hier trois témoignages au travers de quels Dieu parle qu'il avait du dégoût envers ce peuple d'Israël. Nous avons lu dans Psaume 95, verset 10. Nous avons lu ceci. 95, verset 10 à 11. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Le témoignage de Dieu est vrai. Parce que lui-même s'est présenté dans Apocalypse au chapitre 3, je crois. Ainsi dit l'Amen. Le témoin fidèle, véritable. Lui, quand il rend témoignage, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous, nous nous donnons les témoignages les uns des autres. Ce sont des témoignages circonstanciels. Nous nous changeons. Le matin, je me réveille bien. Vous avez un peu de sous, vous me demandez, je vous donne. Vous allez avec un bon témoignage vraiment. Vers 11h, vous me voyez. Vous me posez votre problème. Je vous réponds mal. Vous allez changer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Amen. Nous pouvons recevoir les témoignages de Jean. Nous comme dans Jean au chapitre 4. Dans Jean chapitre 5, aujourd'hui, les gens cherchent à tirer la gloire des uns des autres. Chapitre 4 et 5, verset 41, vous connaissez. Lui, le Seigneur pouvait dire, je ne tire pas ma gloire des hommes. Moi, je ne reçois pas le témoignage des autres. Même quand vous avez envoyé des gens auprès d'eux, des gens auprès de Jean-Baptiste. Mais pour moi, je ne reçois pas le témoignage des autres. Et moi-même, je ne rends pas témoignage sur moi-même. Si je le faisais, mon témoignage serait faux. Amen. Amen. Mais non, il dit, je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez pas l'amour de Dieu. Au verset 4, parce que vous devez croire, et votre foi doit vaincre le cœur de Dieu. Vous devez convaincre Dieu que vous l'avez réellement cru, et vous l'aimez. Mais les gens aujourd'hui, le Seigneur dit, comment pouvez-vous croire? Au lieu de croire en la parole, ils croient dans l'église. Ils croient dans des hommes. Ils mettent leur gloire dans des hommes. L'homme ne te donnera rien. L'église ne te donnera rien. Même frère Branham n'a rien en tant qu'humain à te donner. Mais c'est Dieu qui nous donne. Et les choses que nous recevons de lui, ce sont des choses authentiques. Mais avant de le recevoir, nous devons le convaincre que nous l'aimons. Et que nous croyons réellement en lui. Amen. Amen. Et là, le Seigneur va nous glorifier. Comment vous allez croire? Vous qui tirez la gloire les uns des autres. Vous qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu. C'est ça l'homme. Alléluia. Amen. Les gens veulent être honorés. Dans Jean chapitre 12, l'Écriture dit, au verset 25, nous lisons ceci. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, na pale niko, là aussi sera mon serviteur. Jo pale patakuwa mtumishi wangu. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Kama mtu anatumikia baba yangu atamheshimisha. Honorer quelqu'un qui croit en Dieu, c'est lui donner le Saint-Esprit. Kuheshimia mtu la naamini mwa Mungu ni kumpatia Roho Mtakatifu. Nous voulons chercher l'honneur qui vient de Dieu. Et le Seigneur dit, depuis le temps de Samuel, sur la maison d'Élie, celui qui m'honore sera honoré. Mais celui qui me déshonore sera déshonoré. Nous devons nous poser la question, si nous honorons la parole, dans notre vie, pas l'honorer, dans nos bouches. Amen. Amen. Effectivement, mes frères, ce que nous avons lu dans Psaume chapitre 95, que le Seigneur a eu du dégoût envers Israël, c'est ce que Dieu ressent encore dans cet âge de l'Odyssée. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 3, verset 14, écoutez le témoignage de Dieu aujourd'hui. Vous, quand vous regardez, beaucoup de gens ont cru. C'est celui qui vient d'abord ici. Que Dieu bénisse. C'est celui qui écoute la parole. Pas en dehors de ça. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur dit, nous y arriverons. Tout à fait. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisse tu être froid ou bouillant? Et si parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai. De la même manière que Israël avait amené Dieu à être dégoûtant de lui, aujourd'hui, cette position de tiédeur l'amène encore à avoir du dégoût pour vomir. Mungu ashike bya kutapika. Oui, mes frères. Ndio, manduku yangu. La prophétie touchant cet âge de l'Odyssée. Unabii ile inaangalia kitasi cha Laodikia. Si vous lisez dans 2 Timothée. Kama nasoma Timothée wa pili. Au chapitre 3. Sura ya 3. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Mashikwa mushu mtoka makati ya nguvu. Au verset 5. Mstari ya 5. Ils auront l'apparence de la piété. Batakuwa na kuonekana kwa utawa. Mais dans leur cœur. Lakini ndani ya mioyo yao. Rébellions ceux qui ont fait la force. Banesha kukatala kinyi kikunaleta nguvu. Amen. Amen. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. Vous regardez à gauche, à droite, il y a des églises du message qui pullulent comme des champignons. Ce sont des contrefaçons de l'ennemi Satan. Amen. Amen. Mes bien-aimés frères, dans ce cas, Dieu a tout restauré. Mungu alifanya vitu vyote upya. Tout le rétablissement. Alirudisha kitu kyote. De la parole de Dieu. Ya neno la Mungu. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus était venu avec la grâce et la vérité. Bwana Yesu Kristo alikuwa na neema na ukweli. Cela a été abîmé, a été détruit pendant les âges. Il est kadira bizaji bali ala bisha. Mais vers la fin, lakini karibu wa kumwisho, Dieu a rétabli. Mungu alirudisha. Comme dans Matthieu 17:11. Sa Matayo 17:11. Élie doit venir et rétablir toutes choses. Ya kweli Élie anapasa kuya na kurudisha kitu chote. Jean-Baptiste était déjà mort. Yohana batizo kwa chakufu. Quand nous lisons dans Acte chapitre 3. Wakati tunasoma Matendo ya Mitume 3. Où Pierre appelant les enfants d'Israël à se repentir. Où le Pétro qu'on a été attendu à l'époque de Kutubu. Il parle d'un autre temps. Et qu'on a été attendu à wakati ingine. Où les choses devraient être rétablies. Où le bitu vipasa kurudisha. C'est dans notre âge ici. Ni mwi kizazi yetu. Dans Apocalypse, vous connaissez. Acte des apôtres chapitre 3. Munajua ni cette écriture andiko, où il dit au verset 19, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Nous vivons la pleine restauration. Si je peux vous lire quelque chose venant de Frère Franck, dans la parole d'éclaircissement sur avoir le Saint-Esprit et avoir l'esprit d'adoption du Fils et être rempli ou baptisé du Saint-Esprit, préfère de le 3 mars 91. La page 2. Très bon âme dit ceci. Nous avons la vérité. La parole rétablie. Amen. Amen. Nous croyons tout ça. Maintenant, Frère Franck dit là-bas. C'est consoler seulement en ce qui concerne le futur en disant je suis héritier. Ne suffit pas. Il est aîné. Dieu a préparé beaucoup de choses pour aujourd'hui. Et nous voulons posséder maintenant ce qui est pour ce temps-ci. Nous devons expérimenter le pardon de nos péchés. Une véritable repentance. L'obéissance à toute la parole. Pour être amené dans le baptême du Saint-Esprit. Mais se consoler seulement ne suffit pas. Écoutez. Nous voulons posséder maintenant ce qui est pour ce temps. La chose la plus importante que nous devons posséder, c'est le Saint-Esprit. Et le message est donné dans ce but-là. Ce qui est pour le millénium viendra dans le millénium. Ce qui est pour l'éternité viendra dans l'éternité. Mais tout ce que Dieu a promis à l'Assemblée nous appartient. Il y a la promesse du jour. Malachi 4. C'est quoi? Nini? Ce n'est pas la personne de Frère Branham. Aina muntu ndugu Branham. Mais le message, le retour à la foi apostolique. Lakini ujumbe ni kurudia ku imani ya mitume. Les autres voient seulement l'homme de Branham. Batu bengine beko na tu muntu Branham. Malachi 4 dit. Lakini Malachi ine ramènera le cœur des pères de ses enfants ya batoto à leur père. Wa baba yabo. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Ça, il est. C'est la promesse du jour. Ni malako ya shiku. Mais la promesse principale, c'est le baptême du Saint-Esprit. Nous devons l'expérimenter maintenant. Oui. Mais nous vivons encore en dessous de la position de dignité que Dieu nous a acquise. Nous n'avons pas encore obtenu en réalité cette position des fils et des filles de Dieu. Que Dieu s'est proposé de nous accorder dans son dessein. Mettons d'abord là-bas. Mais bien aimé frère, Dieu a toujours rendu témoignage. Le témoignage de Dieu dans notre vie. Quand nous croyons, Dieu rend témoignage. Notre foi les convainc. Il nous donne le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui est écrit dans Actes des Apôtres chapitre 15. Je veux convaincre Dieu par ma foi, par sa grâce. Voilà le témoignage de Dieu dans notre vie, c'est le baptême du Saint-Esprit. Verset 8. Et Dieu qui connaît les cœurs, Dieu ne regarde pas aux apparences de piété, comme nous l'avons vu hier. Quand Eliab s'est présenté devant Samuel, il s'est dit, voici loin de l'Éternel. La couronne royale lui va. Et Dieu dit non. Je l'ai rejeté. Moi, je ne considère pas ça, ce que l'homme, les hommes considèrent. Les hommes regardent à ce qui frappe le regard. Et moi, je regarde au cœur. Dieu connaît que dans ce cœur-là, où c'est la foi, ou c'est autre chose. Mungu anajua sasa mwile moyo, muko imani, wala ni kitu kingine. Amen. Ni paka Mungu ndio anajuaka. Il dit, anasema, Dieu qui connaît le cœur. Mungu mwenyewe anajua moyo. Leur a rendu témoignage. Ali mushuhudia. En leur donnant le Saint-Esprit. Mungu wapatia Roho Mtakatifu. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. La foi qui purifie le cœur pour nous amener au baptême du Saint-Esprit. Je te souviens que ta foi n'a pas encore purifié ton cœur. Jusqu'à maintenant convaincre le cœur de Dieu afin qu'il te donne le baptême du Saint-Esprit. Oui, mes bien-aimés frères. Vous savez, il y a des choses dans nos vies. Nous devons mettre de l'ordre. Quand la pluie a été bannie au temps d'Élie le prophète. Et la pluie est revenue, ce n'était pas par la volonté d'Élie. C'était selon la volonté de Dieu. Vous lirez dans 1 Roi chapitre 18, le verset 1 là. C'est Dieu qui dit à Élie. Il lui dit, bien des jours s'écoulèrent. Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la troisième année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Oui, mes frères. Cela venait de Dieu. Dieu a promis qu'il va faire pleuvoir encore la deuxième fois. Mais avant qu'il ne pleuve, il fallait qu'il y ait quelque chose qui devrait être arrangé. Et ce qui devrait être arrangé au côté de la face de Dieu, c'est qu'il avait fait que la pluie s'en aille. La première des choses, vous connaissez l'histoire, Élie a commencé par rétablir l'autel. Il a ramassé les pierres qui représentaient les 12 enfants d'Israël. Et avec ces 12 pierres, il s'est construit un autel. Il le fait juste après que les faux prophètes de Baal aient adoré leur dieu Baal, qui n'a pas su leur accorder le feu. Avant que le feu ne vienne, la réponse de Dieu, il fallait que l'autel soit rétabli. Est-ce que l'église est là? Il a rétabli l'autel. Et nous savons, mes frères, ce n'est pas n'importe quel enseignement qui peut amener le Saint-Esprit dans les enfants de Dieu. Ça ne vient pas des prédicateurs. Aucun prédicateur ne peut s'arroger le pouvoir de donner le Saint-Esprit. C'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Quand l'enseignement selon la vérité est établi. Amen. Si vous lisez dans Jean chapitre 12, vous verrez le Seigneur Jésus lui-même au verset 49, il dit, car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Amen. Amen. L'homme de Dieu n'annonce pas ce qu'il veut annoncer. Dieu lui a déjà prescrit ce qu'il doit annoncer. Parce que c'est ce qu'il va annoncer. Sababu kile atatangaza. C'est à cela que c'est attaché à la vie éternelle. Je kule kunambatana bujimo wa milele. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Maamri yake ni bujimo wa milele. C'est pourquoi les choses que je dis, chokomana bitu nasema, je les dis comme le Père me les a dites. Ni kunebisema paka vile baba arinyambia. La parole de Dieu. Neno la Mungu. L'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Oh, ni roho ya Mungu. Mais la parole qui doit amener le Saint-Esprit dans notre vie, lakini neno hapashi kuleta roho mtakatifu maisha yetu, doit être annoncé selon ce que le Seigneur dit. Anapashi kutangaziwa kufuatana vile Bwana anasema. Dieu nous a prescrit, nous savons que ce sont messages ici. Mungu alituandikia tunajua kama ni ujumbe. Et quand nous parlons du message, parce que beaucoup de choses viennent au nom du message. Na kama tunasema juu ya ujumbe juu tunajua kwa sababu tu mimi nakuwa mwingine ujumbe. Le message qui amène le Saint-Esprit. Lakini ujumbe ile kunaleta Roho Mtakatifu. Paul dit aux Corinthiens. Paulo kunasema kwa Korinto. Chapitre 15. Wa Korinto sura yake ya 15 unasema. Ce sont les écritures que vous connaissez. Maandiko yenyewe mnajua. Je vous rappelle frère. Nimekumbusha wanduku. L'évangile que je vous ai annoncé. Injili yenyewe nimetangazia. Que vous avez reçu. Ile mupokea. Dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvé, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Le Seigneur l'a annoncé selon ce qui lui avait été prescrit. Amen. Amen. Paul aussi le fait selon ce qu'il a reçu. Paulo na yeye kunafanya kufuatana vile alipokea. Anasema, il dit que sinon autrement vous auriez cru en vain. Kama ina vile muliamini kwa bure. Je vous ai enseigné avant tout. Nimefunza mbele yote. Comme je l'ai aussi reçu. Paka vile nilipokea na mie. Est-ce que l'église est là? Eti kanisa kupali. Que Christ est mort pour nos péchés. Selon les écritures. Ya kusema Kristo alikufa juu ya madhambi yetu kufuatana na maandiko. Qu'il a été enseveli. Ya kusema alizikwa. Et qu'il est ressuscité le troisième jour. Selon les écritures. Kufuatana na maandiko. Le message selon les écritures. Ujumbe kufuatana na maandiko. Pas le message selon les déclarations. Hapana ujumbe kufuatana na misemo ya bahubiri. Qu'il a été enseveli. Asema alizikwa. Et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les écritures. Kufuatana na maandiko. Et na Elia, il a rétabli l'autel selon les écritures. Amen. Amen. Ce que nous prêchons obiri, de la restauration, ça doit être conforme aux écritures telles que les apôtres les avaient enseignées. Après avoir fait cela, il a tué l'animal et il l'a placé sur l'autel. Comme ce n'est pas une affaire d'homme. C'est un problème de Dieu. Il a dit aux gens, amenez trois sodos ou quatre sodos. Ils ont amené quatre sodos. Ils ont renversé sur la victime. Sadaka. Première fois. Kwanza, deuxième fois. Piri, troisième fois. Et le bois. Et l'animal, na mazabao yenye kuyala na mali. Devant les yeux des hommes, mbele ya macho ya watu, qui résonne, bale beko na fikiri, qui s'en font qu'à leur tête, ils pouvaient dire, que ce vieillard a perdu la tête. Quand on va prendre le feu, ce n'est pas quelque chose d'homme. Aina mambo ya watu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Si nous avons fait les choses telles qu'il nous les a commandées, et il a prié, c'était une courte prière. Éternel Dieu, qu'il sache que tu es Dieu. Papa te kujua kusema uko Mungu. Parce qu'il s'était détourné de lui. Sababu alienda mbali na Mungu. Pour Baal. Jua kwenda kufuata Baal. L'Éternel n'était pas Dieu. Et dans sa prière, il dit à haute voix, anasema na sauti ya juu, c'est la maison d'Israël. Ya kusema nyumba Israel. Sache que c'est toi qui es Dieu. Ipate kujua kusema ni wewe peke yako kwa Mungu. Et que j'ai fait tout selon ta parole. Na nilifanya yote kufuatana neno lako. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Na ni wewe Mungu ndio kunarudisha moyo yao. Seigneur. Upate kujibu Bwana. Alléluia. Amen. Le feu est descendu. Moto lishuka. A consumé. Na itekezeza na sadaka. Et le bois. Na miche. Et l'eau. Na mai. Et tout. Na biote. Et tout Israël s'est prosterné devant. Na Israël te mujaina na mambele. Tout il s'était détourné. Ule bari mugeukia. Ils se sont dit. Na bari sema. C'est l'Éternel qui est. Ni milele ndio Mungu. Amen. Amen. Dieu a répondu par le feu. Mungu alijibu kupitia moto. Et quand il a fait cela, na kati alifanya vile, il a crié. Alilamika. Saisissez-moi les 450 prophètes de Baal. Munibambie bale ba prophète banabia bale. Qu'aucun d'eux ne vous échappe. Kushikwa ta moya apate kumepuka, kumikimbia. On s'est saisi d'eux. Bali babamba. Il les a amenés au torrent de Kizon. Alibapeleka kumomba Kizon. Il les a égorgés, lui et il les a égorgés. Ye Elia ye munye alibachinja. Wakati mwali munahubiri neno. À un moment, je suis en train de prêcher la parole. Pourquoi frère moi en Mumazebu? Il y a un frère dénominationnel. Il parle en langue. Alors il me dit, moi je n'ai jamais entendu qu'Elie avait tué les gens. C'est d'après les Écritures. Il les a égorgés. Mes frères, avant de demander pour que la pluie revienne sur la terre, sur les enfants d'Israël, Bela Kulomba ne voulait pas te courir par Dunia, par Vatoto Israël. Elie devrait honter. De devant les yeux de l'Éternel, Elie a passé à kutosha kumbele macho ya milele. Ces objets de scandale. Iye maibu ya kuchikwazo. Qui ont entraîné Israël dans l'idolâtrie. Ile kipeleka Israël mkuabudu sanamu. Amen. Amen. Il fallait les éloigner de la face de Dieu. Ifazali kutosha kumbele mwapo wa Mungu. Et apporter les jugements sur eux. Na kuleta hukumu yuli yabo. Et c'est ce qui a été fait. Na njo ile rifashika. Mes frères. Banduku yangu. Quand la parole est rétablie dans votre vie, wakati na Mungu na rudishu na jengula mumaisha yako, prêchez dans la vérité du haut de la chair. Yenye kubiriwa katika ukweli yule wa mimbari. Mais d'où vient-ce? Sasa inatokea wapi? Vous gardez dans votre vie. Unaanza kuchunga tena maisha yako. Les choses qui scandalisent Dieu. Vitu bila bikuna mkwalisha Mungu na watoto wa Mungu. Les choses qui font que. Vitu bila bikuna fanya. Dieu puisse s'éloigner de vous. Mungu anze kwenda mbali na wewe. Parce que l'église est là. C'est l'enseignement de ces gens-là qui avait amené Israël loin de la force de Dieu. Mais ils n'ont pas su donner la preuve que Baal était Dieu. Lakini bakuwezi kuleta kionyesha kusema Baal ndio alikuwa Mungu. Tous les faux enseignements des dénominations. Mafundisho yote ya kizebu. Ma bien mes frères. Bapendo banduku. Pourquoi vous pouvez les garder? Namna jua nini mwanzo kuchunga. Ile mafundisho. N'ont pas prouvé Dieu qu'ils étaient véridiques pour amener le Saint-Esprit sur ceux qui suivaient ces enseignements. Aikuhakikisha kusema ni ya kweli ndio kuleta Roho Mtakatifu kubali baanza kufuata ile mafundisho. Est-ce que l'église est là? Eti kanite kupale. Tous les objets de scandale. Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie, ma soeur. Tu cherches le Saint-Esprit. Mais comment vous chunga un peu de mondanité dans votre vie? Tu gardes encore avec dunia maisha. Il n'y a que deux positions. Matthieu 12, 30 dit, c'est lui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est lui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Amen. Il n'y a pas de position intermédiaire. Hakuna mshimamo hapa katikati. Un enfant de Dieu. Mtoto wa Mungu. Réellement celui qui est touché par la parole. Hakika mwenye kugusa neno la Mungu. Il ne peut plus envier le monde. Hawezi tena kutamania dunia. Non pas seulement il sort du monde. Hapana tumtoka mdunia. Il sort la mondanité de son cœur. Na anatosha na kidunia mumoyo wake. Tout ce qui éloigne Dieu des hommes. Na Mungu. Vous les Dieu c'est un Dieu d'or. Mungu ni Mungu wa usawa. Unapenda Mungu. Tu aimes Dieu. Mais où on a voilà namuna ya kuseduire Mais les gens aux yeux pécheurs. Tu t'habilles d'une manière à attirer le regard des hommes. Est-ce que l'église est là? Et tu gagnes ce coupable? Il faut va voisin bayoué. Il faut que les voisins sachent. Il faut va sénégal ko bayoué. Il faut que ta belle famille sache. Que tu es un enfant de Dieu. Et tes enfants aussi doivent savoir que maman elle est l'enfant de Dieu. Même si ta belle-sœur venait, appelle ton enfant. Prends la cigarette que tu puisses allumer un peu pour moi. Prends ces cigarettes. Coupe ça. Et dis à ton beau-frère. Mon frère. En tout cas, c'est pas te manquer du respect. Je ne tolère pas ces histoires chez moi. Si tu as dit tu as du Kwangu. L'église est là. Toi tu crois en Dieu. Mais tes enfants, on les envoie les payer la bière. On a joué à et tu acceptes des histoires sales. On a joué à doté. Ce sont des choses qui éloignent la face de Dieu de vous. Si Job dit qu'on a tous un gouffre à Mungu Daniel. Ma face n'est pas loin de vous. Alors c'est dans Esaïe 59. Mais c'est vos péchés qui vous cachent ma face. La kini ni mazambien je n'ai fichi ka uso wangu. Vous ne pouvez pas aimer quelque chose de son contraire. Awez kupenda kintu kina nyuma yake. Mettez de l'ordre. Tengeneza maisha. C'est par rapport à la parole de Dieu. Ni kufuatana na maandiko. Kile kintu kifurahishe Mungu. C'est qu'une pleuse par Dieu. Autre ça. Mabukweli chinaishaka. Le mariage peut s'arrêter. Mais le mariage véritable que nous cherchons. Et c'est quel mariage? Avec un mari païen. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes frères. Il fallait apporter les jugements contre les faux enseignements. Ils ont écouté sont des mensonges. Que Dieu vous bénisse. Mwembarik. Mais non. Ça, la troisième des choses. Qui tu attaques. C'était maintenant la prière. Il quoi maombi. Il va dire. Ansema. Va dire à Kab. On doit commander à Kab. Après qu'il ait. Kisha. Yaguchinja égorgé. Les 450 prophètes de Baal. 450 prophètes de Baal. Maintenant, ceux qui avaient amené la colère de Dieu étaient enlevés. Kile qui l'est à Katirana Mouchi Banakito Chassa. Maintenant, la pluie de bénédiction pouvait venir. La prière, c'est en dernière position. D'abord, la parole, dans sa pleine restauration, dans votre vie. Amen. Amen. La deuxième chose, quand la parole prend place, la mondanité sort par la fenêtre. Tous les objets scandaleux, Dieu ne cohabite pas avec cela. Vous les enlevez. Maintenant la prière vient en troisième position. Alors il est monté à la montagne du Carmel. Il fait dire à Kab, vite, vite, sinon la pluie va t'attraper. Et ce n'était pas une prière avec légèreté. Il a prié cette fois. Le ciel était rouge derrière. Est-ce que l'église est là? Et tu connais ce coupable? Dieu avait déjà restauré. Mungu kwa sarudisha. Il a confirmé que la restauration était exactement comme sa volonté. Kisha kusema kurudisha kulikuwa kwa vile vile kupata mapenzi yake. Banatosha. Toutes les histoires. Vitu yote. Ils les ont éloignés de Dieu. Ils va peleka mbali na Mungu. Et maintenant, sasa, la prière était feu vert. Maombi ilikuwa wazi. Il a prié akaomba une fois, mara kwanza, deux fois, mara pili. C'est là maintenant que nous devons persévérer. C'est que l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 10, verset 36, vous avez besoin de la persévérance. Après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. La persévérance. Quand vous avez déjà accompli la volonté de Dieu, maintenant vous persévérez pour obtenir ce qui vous est promis. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés. Dieu, à Après la prière, kisha maombi, la pluie est revenue. La pluie de bénédiction. Vous devez expérimenter cela. Mais vous devez faire le choix. Dans la prédication, la bannière prêchée le 19. Prêché le 19 Baroubiri, janvier 62. Mon Jacquanza en 1962. Branham dit, Branham Ansema, écoutez le pensée des hommes. Ou bien tu n'es pas fait pour avoir le baptême saint, je ne sais pas. Toi, tu urumbiwa jo kosa kupatiwa baptisme de Rome takatifu. Rome takatifu doit représenter tellement, il n'a pas secouru pour vous plus que toute autre chose, c'est alors que vous l'aurez. Qui tu qui a ma face là, kushinda qui tu qui ote njoo pale utaipata. On n'a pas kuipenda. Maintenant, frère Branham dit ceci. Branham anasema. Il dit que au paragraphe 70. Prenons Nimrod. Tu veux bien Nimrod. Nimrod a eu la même pensée. Nimrod n'a quoi n'a eu à son moment. Il voulait marcher et avec le péché. Il a repéré que t'es bien en Zambie. Et avec Dieu. Namungu vyote biwili. Comment? Namna. Frère Branham dit. Branham anasema. Il était conscient qu'il existait un Dieu qui jugeait les méchants. Ari kwa kasa kuyasa kukwa Mungu mwa una na kumwa kabatenda zambi babaya. Et en effet, naam kuangalia, on venait de sortir de ce déluge là. Mwile déluge bakutosha kam. Mwile baritoka mungu la. Dans la pluie. Il savait que c'était le péché qui avait amené Dieu à détruire le monde. Ari jua kakusema ni zambi jo musukumaka Mungu haribu dunia. Par conséquent, sachant que le péché amènerait encore Dieu à faire la même chose. Si le péché a amené le jugement à cette époque-là, aujourd'hui, le même péché amènera encore le jugement de Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas d'exception. Et il continue de dire. Alors il a cherché à accomplir quelque chose en construisant une tour de telle manière que les hommes pourraient vite monter au ciel si la situation devenait intenable ici sur la terre et vivre au ciel et puis il redescendait sur la terre. Batashuka tapa dunia. Péché et remonter au ciel. Na panda tena mbio kumbingu. No. Hapana. Abikale ke vile. Ça n'est pas comme ça. Niko na inga kimunara. Je suis en train de construire une tour. On a vraiment tunatoka mu. Mungu ana pika bulongo tena mvula. Dieu a frappé la terre avec la pluie. Alors construisons une tour. Kama bishrani ya Mungu vinakuya. Si la colonne de Dieu venait. Tutakimbia pa dunia tunapanda kumbingu. Tu monter vite au ciel. Après que Kassanina à la colère de Dieu, nous allons y revenir encore sur la terre et nous allons continuer avec notre non, vie. Non, ça ne peut pas être Apana, comme ça. Au paragraphe 71, eh bien voilà la pensée que les hommes ont eue tout au long du chemin. Chercher à pécher, vivre sur la terre et au ciel au même moment. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas le faire. Amen. Amen. Au paragraphe 72, c'est pourquoi nous croyons ce soir dans le fait de nous abstenir complètement du péché. Tukunaamini mnana kusema tunapasha kujizuiza kabisa kuzambi. De nous en éloigner. Kwenda mbali sana. C'est du poison. Ni sumu. Le péché c'est du poison. Zambi ni sumu. Mara mongo pa poison pa dunia. Faut pas craindre le poison. Le péché c'est du poison. Zambi ni sumu. Et il dit. Na nasema. Ne perdez pas votre temps avec cela. Musipote sio kati yenu aile. Ne tolérez pas du péché, du tout cela. Mouchi vous miliez il est. N'ayez rien du tout à faire avec cela. Mouchi kwena kitota ki moyana il est. Ne cherchez pas à voir à quel point vous pouvez vous approcher du péché sans péché. Mouchi tafute namna moya ya kuchongia kuzambi bila kutenda zambi. Voyez à quel point vous pouvez vous en éloigner. Mone munamna kani munawezi kwenda mbali. Tout ce qui a l'apparence du péché. Yote ile inaonekana na zambi. Tenez-vous en loin. Mwende nayo mbali. N'ayez rien à faire avec cela. Mouchi kwata na mpatano moya na ile. Pas du tout. Apana. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire amen? Oui, mes bien-aimés frères. Mais la restauration est là. Lakini kurudisha kwa bitu kwa. À qui la faute? Nani wankosa? Oh, Miriamini. Où j'avais cru. Libine, tu habites à Kate. Et cette histoire n'est pas claire. Très franc, par exemple, franchi Mirisoma. Là où j'avais lu. Moui, nani. Ii, Mirisoma, kumwanzo. Dans ce que j'avais lu au début. Pas dans mon page 2. Mon cartas à capi. Et qu'on a chouka kule chine qu'on a fait. Il descend en disant. Voyons à qui la faute, c'est Dieu ou c'est l'homme. Quand Élie avait fait conformément à la parole de Dieu, le feu est descendu. Maintenant, comment se fait-il que toi, chez toi, le feu ne descend pas? Maintenant, frère Wanam, frère Franck, on a fait mal. Je pense que le problème ne peut se situer au niveau de la nourriture spirituelle. Non. Nazania kusema mambo aina tamu chakula kiro apana. Il ne peut plutôt qu'individuellement se situer au niveau de tout celui qui se laisse dominer. Mambo ikuna patikani kwa ule anejacha bamtawale et lié par l'incrédulité qui règne quelque part dans sa vie. Na mwenye kuambatana na kutokuamini kule kuna tawala fashi fulani maisha yake. Et qui le retient. Na jo ile kuna mushika. La parole de Dieu. Neno la Mungu. N'a jamais retenu quelqu'un. Ayashikaka mtu. Au contraire. Kwa kinyume. Il a toujours secouru beaucoup de personnes. Inekalaka paka mkusaidia watu wa mingi. Parce qu'il a toujours produit l'effet pour lequel Dieu l'avait envoyé. Sababu natoaka matokeo ile yenye Mungu alitumia. Comme la pluie par et la neige ne peut retourner sans avoir fécondé la terre, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui cultive, et ainsi la lecture de ma parole. Elle ne peut pas retourner à moi vide. Ayez kurudia kwangu paka vile. Sans avoir accompli ma volonté. Bila yo kutimiza mapenzi yangu. C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. Quand vous recevez la parole. Wakati mwapokea neno la Mungu. D'être sauvé. Ya kupa mupate kukolewa. C'est la volonté de Dieu. Ni mapenzi ya Mungu. C'est pour cela qu'il l'envoie. Yo kwa maana anatuma neno lake. Et quand Dieu nous l'envoie. Na wakati Mungu anatutumia neno lake. Il accomplit ses volontés sur nous, non pas nos volontés. Et kwa kutimiza mapenzi yake kwetu, hapana mapenzi yetu. Amen. Amen. Dieu n'accomplit pas nos volontés à nous. Mungu atimiza ke mapenzi yetu. Il accomplit sa volonté. Et qu'on atimiza mapenzi yake yulu yetu. Ses desseins sur nous. Mapu yake yulu yetu. Et ce qui empêche à Dieu d'agir. Il est quoi muzumiza Mungu kutenda? C'est quoi? Ni nini? C'est notre incrédulité. Ni kutokuamini kwetu. Le doute à la parole. Kushakia neno. Ton chatule tu mabini toi, hata utakusaidia kwa kitu. Oh, cette histoire là, ça ne va rien t'aider. Tuko na kuku. Chauffer son mari dans mon. Ça t'éloigne au contraire de Dieu. Vous savez, frère. Mon ayo anduku. Dieu n'agit. Mungo qu'on attenda. Que là où on lui donne l'accès facile. Ni pas capable de mwacha fasha ekutenda. Dans Romains chapitre 12. Warumi sura. Vous connaissez l'écriture, nous prêchons, je vais un peu de l'avant. Mon ayo anduku tuna ubira kama nendelea. L'écriture dit. Anduku qu'on attema. Dans le premier verset. Musare kya kwanza. Par les compassions de Dieu. Je vous exhorte, mes frères. À offrir vos corps. Comme un sacrifice vivant. Est-ce que l'église est là? Est-ce que là? Dieu. Mungu, par ses compassions. Mapendo yake, il veut. Et que vous puissiez. Mupate, lui donner vos corps. Mupate à milieu. Parce que le problème commence là. Sababu mambo kunanzia ni mumwili. Dans vos corps. Ndani ya mili yenu. Offrir vos corps. Mupate kutoa mili yenu. Comme un sacrifice vivant. Sawa sadaka yenye kuwa hai. Pur. Yenye kuwa safi. Ou saint. Wala takatifu. Et agréable. Yenye kumpendeza Mungu. C'est ce qui fera de votre part un culte qui lui soit kwa pande yetu ibada ipate kumupendeza. Quand je prends mon téléphone ici. Mwakati naiba telefoni yangu simu. Mzee wangu huyo. Mzee. Fred Douglas. Soto mabushishi tunegalaga na bubichi sana. Kuya mbele unirumie. Viens un peu. Venez un peu ndugu. Je vais regarder. Ça c'est mon téléphone. I ni simu yangu. Je le fais, je le donne. Je donne mon téléphone à mon ami. Le nom c'est qui? Romain. Je lui fais un don. Je le sacrifie à mon frère Romain. Est-ce que je peux continuer à avoir pouvoir sur ce téléphone-là? Il ne m'appartient plus. Il ne m'appartient plus. Téléphone, tombe si j'arrive encore. Je regarde un peu cette option-là. Le frère René va dire, frère Emma, tu ne m'as pas donné le téléphone. Ah, tu ne fais que le réclamer. Upana ilomba lomba. Offrez vos corps à Dieu. Vous faites écouter à Milienu quoi. Comme un sacrifice vivant. Saint. Takatif. Agréable à Dieu. Kupendeza Mungu. Ce qui fera que tu notre culte ibada yetu ipate agréable. Ipate kuwa kupendezwa. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mujilinganishe na makati ya sasa. Quand le siècle présent va à gauche. Mwakati mima miaka nenda pembeni kukijoto. Nous nous allons à droite. Si tunaenda kuume. Le poisson mort. Samaki mwenye kufwa. Est entraîné par le courant d'eau. Anabebwaka kufatana vile mai kunenda. Ceux qui sont entraînés par le courant d'eau, par le siècle présent, sont des cadavres, ils sont morts. Mort dans le péché. Mais un poisson vivant, il nage à contre-courant. Amen. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement. Écoutez, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu atifiwe. Oui, mes bien-aimés frères. Dio apendo banduku. Tout commence par là. Yote nanzia ni pale. Mina patia Mungu ro. J'ai donné à mon Dieu le cœur. Mwili. Et mon corps. Niko nafanya vile ninapenda. Mon corps j'ai fait avec ce que je veux. Là tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Tu ne recevras jamais le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, mes frères. Dio nduku. Parce que les gens disent avec leur connaissance aujourd'hui. Tout m'est permis. Yote nendrusiwa. C'est la Bible dit. Mais qui bien sema. Tout n'est pas utile. Yote aina mafa. Amen. Amen. Quand on a somme que l'autre achète. Si vous lisez là-bas, ils vont vous dire. Le ventre. Tumbo. Et pour les aliments. Ninjua biakuria. Les aliments. Na biakula. Pour le ventre. Biko njua ntumbo. Dieu va détruire. Na Mungu ataribu. Et les aliments. Na chakula. Et le ventre. Na ntumbo. Mais le corps. Lakini mwili. N'est pas pour les publicités. Aina njua busharati. Le corps est pour le Seigneur. Mwili ni ya Bwana. Mais comment vous dites que. Namna kanwa kusema. Mwili ni yangu. Mon corps m'appartient. Bonjour ya Mungu. Et c'est le cœur qui appartient. Non, c'est faux. Apana ni bongo. Vous dites amen. Museme kwa amina. Le corps n'est pas pour les vies. Mwili aina ya busharati. Et moi je me suis posé la question. Mais kapaka. Vous voulez faire tout ce que vous voulez. Unapenda kufanya kile tunapenda. Votre deuxième femme. Mke wa bibi yako wapi? Ou troisième fois. Wala watatu. En quoi cela avance-t-elle l'œuvre de Dieu? Ça il est inendesha kumunini mambo ya Mungu tendelea. Et ça édifie en quoi le peuple de Dieu? Itajenga kunini taifa la Mungu. Tous les hommes. Qu'on se pose quand même la question. Tu es allé chercher une deuxième femme. Oh, polygamie. Oh, vous quoi, babiba mingi. Oh, vous dites que c'est faux. On a où les vivants quoi pire. Et la deuxième femme. Ça avance en quoi l'œuvre de Dieu? Inakusaidia kunini njoo makazi ya Mungu patikondelea. Ça édifie en quoi na inajenga ni kunini batoto ya Mungu. Est-ce que l'église est là? Kanisa, tukumoya. Tu peux poser des questions. Tu n'as pas ce qu'on a kujuliza. Dieu ne reconnaît que ce qui est fait selon son modèle. Par le Saint-Esprit. Et il en rendra témoignage. Si vous lisez dans Éphésiens. Oh, nous avons la vérité. Nous avons la vérité. Éphésiens 4:20 nous dit. Mais, 20 jusqu'à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Je crois que nous l'entendons chaque fois que nous venons écouter la parole. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. Amen. Amen. En Christ, c'est là que nous nous dépouillons. Eu égard à votre vie passée, Du vieil homme qui s'est corrompu par les convoitises trompeuses. Être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à revêtir l'homme nouveau. Créé selon Dieu. Dans la justice. Et une sainteté qui produit la vérité. La vérité produit une vie de sainteté. Tout celui qui n'a pas pour résultat la sainteté dans sa vie, il n'a pas reçu la vérité. Parce que le résultat de la sainteté, le résultat de la vérité, c'est la sainteté. Est-ce que l'Église est là? Vous savez, la parole, c'est un miroir. Ça nous reflète la Galaxie. Ikunetonesha maisha ya Kristo. Maintenant wakati banatonesha yo. Maintenant quand on nous montre. On en amuka subuhi na kabwabwa. Tu te réveilles le matin avec commérage. Mampocha mumacho. Avec la châssis dans les yeux. Matéri kutoka kumpu. Avec la salive qui avait coulé partout dans la bouche. On ingia huku, on asema. Tu entres ici, tu parles. Et on vient avec le miroir, on te montre, si tu regardes, tu auras honte de toi-même. Ce n'est pas le miroir qui va te laver. C'est toi qui iras te laver. Sur base de ce que le miroir t'a montré. Non frère. Quand tu as fait la cagatelle fouca, Minijibe, ça va, ça va. Cagatelle fouca, ça ne va pas changer. Ouais, c'est toi qui vas changer ça. Est-ce que l'Église est là? Et tu connais ça tout pas moi? Christ se reflète dans sa parole. Et quand je ne connais jamais nous là, nous venons des pécheurs. Tu quoi battre nos amis devant lui? Béléaké. Dès que la parole est prêchée. Moi, quand il n'est pas oubli, Christ se reflète. Christ soit étonné, ça. Comme un miroir. Ça va ricalache. Chacun regarde. Il a mangé ouais, tout qu'on a jangaria. Na, et qu'on est on n'a pas la bien déqué. Et c'est à lui. Na niwe et ça. D'aller enlever. Tu n'as pas besoin d'accoucher. Amen. Amen. Parce que Sababu, c'est ça le rôle du miroir. Jo kazi ya kiwo ya rikalashi. Tu dois obéir à la parole. Tu n'as pas sa kuti kuneno la Mungu. Amen. Amen. Parce que Sababu, dans Acte 5, Matendo mitume dano, Mustareke makumita tunambiri, donne le Saint-Esprit et qu'on appartient à Rome takatifu à ceux qui lui obéissent. Kubale beko na muti. Est-ce que vous obéissez à la parole? Et si mon ati, quand vous obéissez à Dieu, vous le convainquez, il rend témoignage qu'il n'y a pas seulement une simple foi, mais une foi qui s'extériorise par l'obéissance à la parole. Le frère Frank en la semaine, la foi, c'est une force invisible. Imani ni nguvu yasionekana. Mais qui se manifeste par l'obéissance. Lakini unajionekanisha kupitia kutii. Je verrai l'obéissance dans ta vie. Tona utifu na yamata yako. Dans la parole. Utifu kuneno. Cela me dira. Joi le tenyamia kusema. Tu as une véritable foi. Yasema uko na imani ya kweli. La foi. Imani est invisible. Ayonekanake. Mais on voit à l'extérieur. Tunaonaka nje. L'obéissance à la parole. Utifu kuneno. L'incrédulité demain. Kuto kwa mini kuna baki. On ne peut ville pas ville. Voir. C'est une force. Atwezi kona c'est une puissance déjà. Nuwezo akupotea. Mais ce que moi je verrai dans votre vie. Lakini kile mimi taona maisha yako. Désobéissance ni à la parole. Kuto kuti kuneno la Mungu. Vous n'allez pas convaincre Dieu. Awezi kumwakisha Mungu. Ce que le miroir vous a montré. Juki, voilà l'image de l'enfant de Dieu. Garia, voilà l'image Garia, picha, à laquelle nous avons été destinés. À être semblable au fils de son amour. Amen. Amen. Amen. Dans 1 Pierre, kwanza, nous lisons ceci. 1 Pierre, kwanza, nous sommes à 18h. En quelques minutes, je vais vous laisser pardonner. Voyons encore quelque chose ici. 1 Pierre, chapitre 1, Petua Kwanza, Sura Kwanza, le premier et le deuxième verset, et puis je vais lire le verset 22. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, même Kambov, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Ah. Que l'Église dise Amen. Amen. Afin qu'ils deviennent obéissants. Et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être obéissants. Amen. Amen. Verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. Pour avoir un amour fraternel sincère. L'âme est purifiée par la parole pure. Mais quand vous obéissez à la parole. Le Seigneur avait dit, vous êtes purs à cause de ma parole. Mais pas tous. Il y avait un Judas. Encore aujourd'hui, la Bible dit, Judas volait l'argent. Il n'obéissait pas à la parole. Il n'était pas pur. Ce qui purifie vos cœurs, c'est quand vous obéissez à la vérité. Vous avez été appelé à obéir. Vous convainquez Dieu. Vous partez quoi qui tient Mungu. Et Dieu. Na Mungu. Dans le Saint-Esprit. A te mi passer au Mtakatifu. Dit que la foi. C'est ma imani. La foi qui convainc le cœur de Dieu. Imani il est na qui tient moi à Mungu. Obéit à la parole. Il na tiku neno. Amen Dieu. Il na sukuma Mungu. À vous baptiser du Saint-Esprit. A partir du partir au Mtakatifu. Le témoignage de Dieu. Jo shuda ya Mungu maisha yetu. Oui. Dio. Quelque part frère Franck dit. Je crois que c'est dans le défi. Nazania kusema ni mapinganisho. Il dit que. Anasema. Par votre baptême d'eau, vous reconnaissez Dieu. Amen. C'est par votre baptême d'eau. Vous entrez dans une congrégation et vous devenez notre frère. Ton problème à toi. Nous allons commencer à partager. Parle, Dieu ne te connaît pas. Mais par le baptême du Saint-Esprit. Alors Dieu parle, vous reconnaît. Mungu, Dieu na kutambua sasa. Est-ce que l'Église est là? Kanisa kupale. Il comme défi. C'est comme ma pinganisho maubiri. Il bébé tout caloco parce que je crois avoir pris ça. Misha, minazania ni libe. Le défi, ma pinganisho, au page 52, je lis seulement, 52, nous sommes, par le baptême d'eau, c'est lui qui est devenu croyant. Il reconnaît Dieu. Mungu. C'est pas le baptême d'eau. Oui, il reconnaît Dieu. Mungu. Que nous pouvons voir, Dieu pensez que le frère a reconnu Dieu. Mungu. Il a reconnu la vérité. Kweli, il est devenu membre de cette église. Quand il tombe malade, ce sont les soeurs qui vont l'avoir. Amen. Mais lakini, par le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu ni Mungu, qui de son côté reconnaît celui qui est devenu croyant. Kungambo yake sasa Mungu ndio anajua kusema huyu anakuwa muaminifu. Sasa vous convainquez le cœur de Dieu. Unahakikisha roho ya Mungu. Dieu vous connaît. Mungu anamjua sasa. Celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Oula n'est baptisé à Rome Takatifu. Même si toute l'église ne vient pas me voir. Il est consolé par le consolateur. Et qu'on a farigé kupitia mufariji. Le ciel prend soin de lui. Bingu iko na mwangikia. Mais si vous êtes encore croyant. Lakini kama ngaliku mwaminifu. Oui maskani ya tabernacle. Et que vous n'avez pas encore convaincu le cœur de Dieu. Na auyakikisha roho ya Mungu. Ce sont les frères qui viennent. Ni banduku jo tu batakuya. Le pasteur, le pasteur atakuya baze, bashemachi. Ils viennent vous voir. Banakuwa kukona. Kama wako kukona. Si ne viennent pas te voir. Tu n'as pas encore des histoires dans ta tête. Tu encore des histoires dans ta tête. Et je n'irai pas même dans les églises. Parce que j'étais malade. Pasteur a quoi kunyona. Le pasteur n'est même pas venu me voir. Pour prier pour moi. Ah. Ah. Ma tête se sale. Ah, tu souffres. Est-ce que je peux être séduit à cause d'un homme? Cela prouve que. Il est venu à côté de moi. Non. Muntu. Tout ce qu'il faisait comme bruit. Yo, t'as l'air face à ma kelele. Je ne le connaissais Mungu jamais. Ashiamu iwaka. Il était seulement un homme du banc. Alikuwa tu ni muntu akuweba kichi mkanisa. Il est entré. Aringia. Comme il peut sortir. Paka vile anaweza kutoka. Trois sortes de croyants. Bamini aina tatu ya baminifu. Le baptême du Saint-Esprit. Ubatizo wa Roho Mtakatifu. Voilà la chose que nous devons désirer. Yo, kitu tunapaswa kutamani. Oui, ma bien-aimée oui, frère. Oh, c'est tellement merveilleux. Écoutez, frère. Est-ce que la parole de Dieu, pour la mettre en pratique, il y a des femmes qui ont perdu leur mariage. C'est difficile aujourd'hui. J'ai dit, lorsque nous avons cru, nous disons ces histoires. Les gens, ils ont crié parce qu'ils ont vu les gens, les maîtres, les flexibles, ceux qui ont volé. Ou pitié, il est matin, le directeur et leur chef de service. Bah, directeur, y a bon, on a pas compris, parce que les gens s'aiment. Ah, on s'a pas arrêté. Ah, vous avez réussi la véritable parole. Aujourd'hui. Est-ce que avez-vous déjà appris que quelqu'un avait volé les soirs et les maîtres? Les gens se sont habitués au péché. Je commande à Rome ta catifie. Il n'a quoi yakuta kutika. Se sont habitués à l'écoute de la parole. Bantu bana zobela kushika sauti ya Mungu. Beko na sikia. Aba wakati kamwe ba itumikishake katika tendo. Que Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Oh. Le temps est déjà là. Wakati ni. Mettons nos debout. Tufishimame. Si réellement vous avez une foi authentique, Dieu va vous honorer. Vous allez servir la parole. Vous n'allez pas chercher la gloire qui vient de vous. Vous serez un honorable. Une sœur honorable. Dada mheshimiwa. Que le ciel a honoré. Ile mbingu areshimisha. Et je souhaiterais cela plus que le millier de dollars être honoré par le ciel même si Eli ne me connaît pas, même si frère Frank ne me connaît pas, frère Branham citait le nom de Levi avec cette influence-là, les gens pouvaient se cramponner à Levi pensant que quand Branham parlait de lui, il est vrai, mais il est fort. Oh, comme on n'a pas cité frère Franck. C'est vrai, écoutez, frère Franck. Alors il ne faut pas les suivre. Mais bien mes frères, que les hommes sur la terre ne vous connaissent pas. Vous ignorent. Mais si votre foi convainc le cœur de Dieu, Dieu va vous honorer en vous donnant le Saint-Esprit. Cela est plus que même si je suis connu par le président. Même si toute l'église ne me connaît pas. Mais le Saint-Esprit dans ma vie, par le témoignage, celui-ci est mon fils bien-aimé. Amen. Amen. Nous allons élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons ôter. Obéir à la parole. Pas seulement l'écouter. La faute. N'incombe jamais Dieu. Si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, comme le témoignage de Dieu, envers votre foi, la faute, c'est votre incrédulité. Seigneur de gloire.